Chapitre 7e. Le petit Michel. Eh bien, monsieur de Vautru, aurons-nous le petit Michel ce soir ? Dit mademoiselle en répondant ainsi au profond salut que lui adressait un seigneur. Je l'ai vu ce matin, madame, répondit le sieur de Vautru, et il m'a promis qu'il serait ici ce soir vers 6 heures. Il en est 7, monsieur, répliqua vivement mademoiselle. Qu'est-ce donc ce petit Michel ? Demanda le duc de Guise en s'approchant. Depuis mon retour d'Italie, je n'entends parler que de cet original. L'avez-vous entendu chanter, monseigneur ? Lui demanda quelqu'un de la compagnie. Non, certes, dit le duc, mais j'imagine. Vous ne pouvez rien imaginer, duc, interrompit mademoiselle. Qui n'a pas entendu chanter Michel n'a rien entendu. Quant à moi, je ne me consolerai jamais s'il ne venait pas ce soir. Il ne regarde, je suppose, de manquer à l'honneur que votre Altesse lui fait, répliqua le duc de Guise. On voit bien que vous ne le connaissez pas, monseigneur, dit mademoiselle. Si en venant chez moi, le petit Michel rencontrait un cabaret sur sa route, et que quelqu'un se trouva sur la porte pour l'inviter à y entrer, non seulement il m'oublierait, moi et mon invitation, mais il oublierait le roi et le cardinal ministre, et tout enfin. C'est donc un malotru que ce petit Michel, observa le duc. Oh mon Dieu, c'est un original, voilà tout, dit monsieur de Vautru. Enfin, qui est-il? À qui appartient-il? Le voici, le voici! S'empressa de dire un jeune seigneur qui, pour être agréable à mademoiselle, n'avait pas quitté les vitres des croisées afin d'épier l'arrivée de ce chanteur. Vite, et pendant qu'il paye ses porteurs, qu'il arrange sa fraise et secoue ses rubans, dites-nous qui il est, monsieur de Vautru, dit mademoiselle, car excepté qu'il chante à ravir, j'ignore tout ce qui le concerne. Toute la société ayant fait cercle autour de monsieur de Vautru, celui-ci commença en ces termes. Voici ce qu'on raconte, madame, dit ce seigneur, s'adressant particulièrement à mademoiselle. Ce petit Michel Lambert est né à Vivonne, en Poitou, en 1610, je crois. Sa mère, pauvre femme du peuple, avait une si grande passion pour la musique qu'elle ne bougeait pas d'une église quand des religieuses chantaient au son de l'orgue. Cette circonstance influa probablement sur les organes et les goûts de cet enfant, car à peine âgé de 10 ans, il voulut absolument aller chanter au lutrin, et sa voix et sa manière de chanter étaient si merveilleuses que cela fit du bruit dans le pays, et on venait l'écouter de fort loin. Dans ce moment, une certaine agitation venue des pièces précédentes ayant fait supposer la prochaine apparition de celui dont on parlait, M. de Vautru se tut, mais le silence étant rétabli, invité par mademoiselle à continuer, il reprit le fil de son récit. Le maître de chapelle de monsieur, ayant entendu par hasard chanter Michel, fut si ravi qu'il lui proposa d'entrer dans les pages de la musique du prince. L'enfant accepta. Voilà le début de sa fortune à Paris. Et monsieur de Vautru s'interrompit encore, car un bruit assez singulier qui régnait dans le palais faisait supposer l'entrée d'un personnage important. Mais ce n'était point Lambert qui arrivait. Vous vous serez trompé, monsieur de Binsarade, dit mademoiselle, s'adressant au jeune seigneur qui s'inclina en répondant. Je puis assurer à son Altesse que je l'ai parfaitement reconnu. Que fait-il donc alors avec mes gens ? Dit la duchesse. Du caractère dont je le connais, dit le sieur de Vautru, il serait bien capable de boire avec eux et de chanter pour eux. Il prétend qu'il n'y a que le peuple pour applaudir comme il faut, sans crainte de chiffonner ses habits ni de compromettre sa dignité. Mais il y a un tapage infernal en bas. Écoutez donc, messieurs, dit mademoiselle. On dirait un carillon, dit le duc de Guise, prêtant aussi l'oreille. Une espèce de charivari, répliqua une autre personne. Non, mais des instruments que je ne connais pas, dit monsieur de Vautru. Écoutez donc, interrompit mademoiselle. Alors on entendit distinctement une voix enrouée crier « Mes casseroles, galopins, mes casseroles !»